Je meurs d'amour, je meurs d'amour. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un comprend? Je meurs tout seul, personne autour. C'est de moi que je fais le deuil. Je meurs d'amour. Mourir pour elle, comme une offense. Dernier duel entre vertu et décadence. Mourir tout seul, personne autour. C'est de moi que je fais le deuil. Je meurs d'amour. Je ne pouvais plus me regarder sans avoir envie de crier. Personne ne pourra jamais effacer tout ce que j'ai fait. Le mal était pour moi un jeu, moi qui ne croyais pas en Dieu. Pardon, mon Dieu. Je meurs d'amour. Je meurs d'amour. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même pour un instant. Mourir tout seul, c'est payer pour être celui que les femmes veulent. Je meurs d'amour. Mourir pour elle, comme une offense. Dernier duel entre vertu et décadence. Mourir tout seul, c'est payer pour être celui que les femmes veulent. Je meurs d'amour. Mourir pour vivre au fond des cœurs, comme le prisonnier qu'on délivre avant son heure. Mourir heureux, j'ai tout fait pour avoir le droit de faire un vœu. Mourir d'amour. Le mal était pour moi un jeu, moi qui ne croyais pas en Dieu. Pardon, mon Dieu. Je meurs d'amour.